Bosco Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. La commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme au Burundi affirme que les violations des droits humains persistent au Burundi. C'est le contenu d'un rapport présenté hier devant le Conseil des droits de l'homme par le président de cette commission. Et le ministre en charge des droits de l'homme s'insurge contre ce rapport présenté hier au commissariat des droits de l'homme des Nations Unis. Dans ce journal, également, les femmes disent ne pas être suffisamment représentées dans les postes de prise de décision dans la province de Bouvanza. Nous appellerons notre correspondante Spes Caritas Kabanyana. Et comparution ce jeudi à la cour d'appel d'Ongozi de Barandereka Donatien. Il est commissaire de la police à Changuzo. Il est poursuivi pour mise en danger de la sécurité publique au moyen des armes. Et dans la chronique judiciaire, comme tous les jeudis, Nous parlerons de le Burundi devrait mettre en avant le développement du secteur privé pour pouvoir profiter du marché commun de la communauté est-africaine. Et en actualité internationale, nous parlerons de la signature ce mercredi matin à Khartoum, la capitale soudanaise, d'un accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme au Burundi affirme que les violations des droits humains persistent au Burundi. Lors de la présentation ce mercredi du rapport d'étape devant le Conseil de l'ONU des droits de l'homme, Doudou Diène, président de cette commission, a regretté que le gouvernement burundais ne collabore pas avec cette commission onusienne. Il demande qu'après la déclaration du président de la République de ne pas présenter sa candidature présidentielle en 2020, suive le respect des droits de l'homme. On l'écoute, nous devons ses propos à nos confrères de la radio de l'ONU. L'information qui se dégage, c'est la persistance des violations des droits de l'homme au Burundi qui se sont manifestées dans le contexte qui a précédé l'organisation du référendum le mois dernier. Le cœur des droits de l'homme, c'est le respect des principes et des valeurs démocratiques, de pluralisme, de liberté d'expression, etc. Et il se trouve que dans le contexte de l'organisation du référendum, la persistance des violations s'est traduite par différents faits. Un, il y a eu d'abord des menaces verbales contre ceux qui seraient opposés au référendum, c'est-à-dire qui touchent à la fois les populations, les citoyens, mais également les médias, c'est-à-dire la liberté d'expression et de manifestation. Et deuxièmement, les violations ont touché à l'arrestation de Burundais qui avaient ou non exprimé une attitude critique sur le principe et les conditions d'organisation du référendum. Nous avons documenté ces arrestations. Et ces arrestations ont été accompagnées de violences physiques, mais également plus graves, un certain nombre de personnes qui ont littéralement disparu. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que les disparitions du passé pouvaient être documentées parce qu'on arrivait à retrouver les corps. Mais depuis quelque temps, il semble y avoir une nouvelle stratégie d'invisibilité de ces disparitions. On ne retrouve plus les corps. Est-ce que cela signifie qu'il y a une stratégie de masquer les disparitions forcées? En tout cas, c'est une question qui nous inquiète. Un fait aussi nous a beaucoup inquiété dans le contexte actuel, c'est que les mécanismes et institutions des droits de l'homme qui sont désignés pour suivre la situation des droits de l'homme, dont certains avec l'accord du Burundi, et je cite le cas des experts nommés par le Haut Commissaire des droits de l'homme, acceptés par le Burundi, et qui ont été sur le territoire burundais il y a un mois, ils sont restés plusieurs semaines sans avoir aucun contact avec les institutions burundaises. Il devait quitter le Burundi. Et la base de l'objectivité et la crédibilité de notre rapport, c'est que tout ce que nous indiquons comme citation, nous en avons les sources. Nous, notre mandat n'est pas de nous prononcer sur le mandat du président, c'est le peuple burundais. Mais pour nous, la crédibilité de cette déclaration dépend d'un certain nombre de signes après ce référendum et la déclaration du président, c'est la question des droits de l'homme. Parce que la question des droits de l'homme touche aux fondamentaux de la démocratie et enfin, la question extrêmement sensible du dialogue politique, parce que pour nous, le dialogue politique, les conditions du dialogue politique, c'est-à-dire la liberté d'expression, d'association, font partie des droits de l'homme. C'était Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Nous devons ces propos par nos confrères de la radio de l'ONU. Et le ministre en charge des droits de l'homme s'insurge contre ce rapport présenté hier au commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Le ministre Martin Livia-Bandi explique que ce rapport ressemble à d'autres rapports qui ont été produits sur le Burundi et n'ont fait que ternir l'image du pays au profit de certains pays membres de l'Union européenne. Suivez plutôt le ministre en charge des droits de l'homme. Le contenu de ce rapport aura, qui a été présenté par Doudou Diène, c'est un rapport qui ne fait qu'éterner l'image du Burundi, qui reflète la volonté de celui qui a mandaté de façon officieuse que l'Union européenne et ses alliés pour montrer qu'au Burundi, il n'y a pas d'évolution positive. Mais ceux qui sont sur le terrain, les visiteurs de notre pays constatent le contraire. Quand le Parlement africain est ici, qui comprennent mieux la situation d'un pays africain, disent que la situation est normale. La situation au Burundi, c'est une situation qui répond à des normes de respect des droits de l'homme. Des cas de violation des droits de l'homme, ils existent. Comme il est les États-Unis, comme il est l'Europe, comme il est l'Allemagne ou la Belgique. C'est une situation qu'on gère avec la rigueur de la loi. Mais dire que la situation humanitaire est désastreuse, dire que les Imbonerakure ne font que tuer les gens, dire que les corps de police, les corps de service national de renseignement sont des organes, sont des institutions qui ne font que violer les droits de l'homme. Et quelquefois, c'est un signe de mépris de la part des rédacteurs de ce rapport. Mais ça se comprend. Ces gens-là ne sont pas là gratuitement. Ce n'est pas un travail bénévole. Ils y sont payés. Le Sénégalais Doudou Diène, dans son rapport, il va plus loin et dire que même les membres de la commission qui sont ici ne sont pas facilités dans leurs tâches, qu'ils sont empêchés d'aller sur le terrain, que de même, le gouvernement leur a révisé de visa pour continuer ce travail. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Une commission d'enquête ne devrait pas se mêler de la façon dont les services d'immigration traitent les dossiers. C'est encore une fois un mépris de la part d'un expert qui est chargé d'enquêter sur la violation des droits de l'homme. En tant que ministre en charge des droits humains, je ne suis pas au courant de l'exercice des experts mandatés pour faire un travail d'analyse de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Ni au niveau du ministère des Relations extérieures, ils ne sont pas au courant de l'exercice de ces gens-là. Voilà, c'était le ministre en charge des droits de l'homme. Et puisque nous parlons droits de l'homme, il a comparu ce jeudi à la cour d'appel d'Ngozi. C'est Barandere Kadonassien. Il est commissaire provincial de la police à Tchankouzo. Son véhicule et son pistolet privé ont été saisis alors qu'il se trouvait dans la main d'un jeune homme civil il y a environ 2 mois. Et il est poursuivi pour mise en danger de la sécurité publique au moyen des armes. Les femmes leaders d'aujourd'hui et de demain devraient être conscientisées sur la consolidation de la paix au Burundi. Et cela apparaît dans le projet que l'ONG Search for Common Ground, en collaboration avec l'Association des femmes journalistes, AFJ, a présenté au directeur média burundais, au directeur des médias du Burundi. Selon Floride Ahitungiye, directrice nationale de Search for Common Ground, les coutumes burundaises sont parmi les obstacles rencontrés par la femme burundaise dans l'exercice de son leadership. L'objectif de cet atelier vient avec le début de l'implémentation du projet renforcer les femmes leaders d'aujourd'hui et de demain dans la consolidation de la paix au Burundi. Ce projet, c'est un projet qui vient d'être lancé depuis février, mais officiellement il a été lancé au mois de mai. Et c'est un projet qui est implémenté par plusieurs organisations, plusieurs acteurs. Search est en train de chercher à implémenter ce projet avec 8 organisations locales. Mais au-delà, il y a des activités médiatiques que nous voudrions mener. Et vous savez que les médias portent loin leur voix. C'est pour cela que nous voudrions aussi impliquer les médias, que ce soit la radio, que ce soit les journaux écrits, que ce soit les télévisions. On voudrait impliquer tous ces acteurs pour que justement, en toute synergie avec les autres acteurs, nous puissions réellement avoir les résultats escomptés en ce qui concerne le renforcement du leadership féminin dans la transformation de conflits et de la consolidation de la paix au Burundi. Floride Ahitungiye, directrice nationale de Search for Common Ground au Burundi. On parle toujours des femmes qui ne sont pas suffisamment représentées dans les postes de prise de décision dans la province de Bubanza. Elles n'ont même pas les 30% qu'elles devraient avoir. Et cela a été dit ce mardi au cours d'une réunion de vulgarisation de l'agenda national des femmes. Le conseiller principal du gouverneur de cette province a appelé les femmes à la solidarité en groupement de développement et de leadership. Spes Caritas Kabanyana. Dans cette province de Bubanza, on compte une seule femme parmi les 5 administrateurs des communes. De même, une seule femme parmi les 5 commissaires communaux de police, d'autres chefs de service comme le tribunal de grande instance, la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, la direction provinciale de l'enseignement, le parquet, le gouverneur de province et tous ses conseillers sont tous des hommes. Une seule femme compte également parmi les 90 collines que compte la province. Cela étant, la trilogie Femmes à actrices d'OP, le Centre de développement communautaire et familial ainsi que le Forum national des femmes trouvent que cette représentativité de la femme dans les postes de prise de décision est insuffisante, pas même 30% qu'elle devait avoir, et cela fait que la femme reste confrontée aux problèmes de pauvreté et d'ignorance, comme l'a souligné Madame Anarissa Damouhawani-Mana, représentant les femmes actrices d'OP dans cette province. C'était ce mardi lors d'une réunion d'explication et de vulgarisation de l'agenda national des femmes au Burundi, dont les objectifs spécifiques tiennent notamment à promouvoir une participation équitable et effective des femmes dans le processus d'OP, mener un plaidoyer pour l'intégration des besoins spécifiques des femmes et leurs priorités et beaucoup d'autres. Le conseiller principal du gouverneur de Bubanza a appelé les femmes à travailler ensemble dans les groupements afin de combattre la pauvreté, mais aussi être de vrais leaders afin d'éclairer les autres dans le développement. Deux autres nouvelles brèves. Plus de deux mois peuvent passer sans que les agents de la régie des zones apportent des factures de l'eau et d'électricité aux consommateurs. Des habitants de la zone Ouguiza à mairie de Bujumbura disent qu'ils sont obligés d'aller eux-mêmes à la régie des eaux pour réclamer leurs factures afin d'éviter des arriérés de paiement. Ils demandent au service recouvrement de la régie des eaux de faciliter la tâche à leurs clients. Et grève ce jeudi matin des élèves du centre des personnes handicapées de Djabé dans la municipalité de Bujumbura. Les finalistes de ce centre réclament le matériel promis à la fin de leur formation. Il leur a été interdit de sortir des enceintes de l'établissement. En actualité internationale au Soudan du Sud, on parle de la signature mercredi matin à Khartoum, la capitale soudanaise, d'un accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Peu de détails selon nos confrères de RFI, mais l'accord prévoirait la mise en place d'un cessez-le-feu 72 heures après. Léonce Vitaliho pour plus de détails. Selon le ministère des Affaires étrangères à Khartoum, cité par RFI, l'accord prévoit d'abord un cessez-le-feu permanent qui devrait entrer en vigueur samedi matin, soit 72 heures après la signature. Il s'accompagnera d'un désengagement militaire, de l'ouverture d'un couloir humanitaire et de la libération des prisonniers de guerre et de détenus politiques. Le texte mentionne également le déploiement de troupes régionales pour superviser le cessez-le-feu. L'accord veut en outre un gouvernement de transition dans les trois mois à venir et devra gérer le pays jusqu'aux élections prévues d'ici trois ans. Aucune décision n'a été prise au sujet du partage du pouvoir durant cette transition, mais c'est un accord qui suscite un peu d'espoir, même si la prudence reste de rigueur. Une analyste politique contactée par RFI dit qu'il s'agit plus d'un accord de principe et tout reste encore à faire, avant d'ajouter que les deux parties ont fait l'objet d'intenses pressions pour signer un accord avant la fin de la semaine ou risquer des sanctions des Nations Unies. Un autre accord avait été signé fin février entre deux rivaux dans la même région est-africaine, non loin du Soudan du Sud. C'est en effet au Kenya où le président Mwai Kibaki et l'opposant Raila Odinga ont signé un accord, cette fois de gouvernement de transition, dans le cadre des négociations pour sortir le pays de la crise post-électorale. Une crise qui est née de la contestation par Raila Odinga de la réélection de Mwai Kibaki lors de la présidentielle du 27 décembre, entachée d'irrégularités selon du moins les observateurs. La police a affirmé que plus de 1500 personnes sont mortes dans les violences politico-ethniques qui ont suivi le scrutin et environ 300 000 ont été déplacés selon la Croix-Rouge kényane. Radio Isanganiro, chronique justice. Le Burundi devrait mettre en avant le développement du secteur privé pour pouvoir profiter du marché commun de la communauté est-africaine. Un professeur d'université considère que la mise en place d'une politique fiscale commune au sein de la communauté devrait être une priorité. Et c'est Artemondo Wimana qui explique que des défis ne manquent pas pour le Burundi, notamment la difficulté, qui date de longtemps, d'ajuster sa réglementation avec celle des pays membres de la communauté. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Bukayeneza. Nous vous avons parlé dans la précédente chronique que le Burundi a ouvert un vaste marché en intégrant le marché de la communauté est-africaine. Le plus important étant d'harmoniser les lois nationales avec le protocole de son marché en vue d'éliminer les obstacles à la liberté de circulation au sein de l'Union. Le Burundi éprouve encore des difficultés d'ajustement des lois nationales à la réglementation de la communauté et la différence de langue pouvant constituer une entrave à cette liberté. C'est ce qu'explique le professeur Artemondo Uimana. Le Burundi est confronté à une vitesse d'intégration très rapide qui nécessite des efforts soutenus pour les pays qui ont adhéré tardivement. Vous savez que le Burundi utilise la langue française alors que les autres pays de la communauté utilisent la langue anglaise. Il s'agit d'une réalité qui peut menacer le mouvement des personnes et des biens dans la communauté est-africaine. Ce spécialiste du droit commercial ajoute que la différence de système juridique constitue également un blocage. Le Burundi utilise le système appelé romano-germanique, et tandis que les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre utilisent le système juridique appelé common law. Le retard dans l'harmonisation et la mise en application des lois promulguées constitue aussi un problème majeur et un blocage à l'intégration. La communauté s'était effondrée en 1977, 10 ans après sa création, constituée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, rappelle le professeur Nduwimana. Selon lui, les causes de cet effondrement constituent toujours des défis. Cette communauté s'est effondrée avec comme cause principale le manque de volonté politique des parties prenantes, mais aussi la non-prise en considération du secteur privé dans les activités. Il y avait aussi un problème de partage disproportionné des bénéfices de la communauté et le manque d'une politique adéquate pour faire face à tous ces problèmes. Pour cela, le Burundi devrait notamment mettre en place des conditions permettant le développement du secteur privé. Le Burundi devrait mettre en place les conditions nécessaires pour inciter une économie moderne et compétitive en vue d'assurer une croissance durable et diversifiée qui garantira la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de la population et mettre en place des conditions permettant de redynamiser l'investissement privé. Dans les yeux de ce spécialiste, des priorités doivent être établies. Artemondo Uimana évoque la mise en place d'une politique fiscale commune avec la promotion des exportations. Manifester la volonté à travers des actes concrets pour trouver des solutions aux obstacles qui bloquent le développement du secteur privé et la promotion des exportations, car les potentialités existent. Une politique fiscale commune au sein de la communauté serait aussi un atout. Le professeur Artemondo Uimana soutient que l'adoption d'un même système éducatif comme prévu dans le protocole de la communauté permettrait la liberté dans la recherche de l'emploi au sein de l'Union. Merci Alain Désiré Wokeyeneza, merci professeur Artemondo Uimana pour ses éclairages sur le développement du secteur privé. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Particulièrement merci à Francine Diokougaéo pour la réalisation de ce journal mis en œuvre par Audrey Nendaïkeza au micro Jean Bosco Uimana. En très bon après-midi.